j'aurais tant voulu ne pas manger mon propre enfant. Moi j'aurais tant voulu manger juste un catamaran. Et les pâtes, à presque rien. La bolognaise pour trois fois rien. Carbonara, encore cheese. Les pâtes à rien. Bolo, yes rien. Carbo, oh cheese. Les pâtes à rien. Bolo, yes rien. Carbo, oh cheese. Les pâtes à rien. Bolo, yes rien. Carbo, oh cheese. Les pâtes à rien. Bolo, yes rien. Carbo, oh cheese. Ah ah ah, parce que j'ai fait des pâtes. Ah ah ah, parce que j'ai fait des pâtes. Ah ah ah, parce que j'ai fait des pâtes. Ah ah ah, parce que j'ai fait des pâtes. Écoutez, ouais, celle-là, là, c'est la batterie, la batterie. Écoutez la batterie. Oh yeah, yeah, yeah. Je suis la batterie, je sens la batterie. Je suis la batterie, la rythmique de batterie. Je suis la batterie. Une tarte aux clémentines avec une tranche de pâté de lapin. Une omelette au mori. Moi de tout ça, je préfère de loin les pâtes qui coulent dans ma bouche d'italien. Pourtant quelquefois, j'ai rien fermé là. J'aime bien les pâtes, j'aime bien mamé, j'aime bien l'abbé. J'aime bien les pâtes, j'aime bien mamé, j'aime bien l'abbé, j'aime bien les pâtes, j'aime bien mamé, j'aime bien l'abbé. J'aime rien. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes. Oh oh oh, parce que j'ai fait des pâtes.